بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في سورة الفرقان، وندخل في المسألة 29 بعد 100، 129 مسألة. في قوله تعالى: أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit que ceux-là seront rétribués, seront récompensés de la chambre pour ce qu'ils ont patienté. Furqan, verset 75. Furqan shahid al-ghurfa. Il y a un entendu par la chambre, la pièce. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية وكقوله وهم في الغرفات آمنون. Donc ce noble verset, dans son apparent, nous laisse montrer que les gens, c'est-à-dire du Jannah, n'hériteront ou ne seront récompensés que d'une seule pièce, une seule chambre. Et d'autres versets sont venus à l'opposé de cela, dans lequel Allah Azza wa Jalla, dans le sens, il dit, et qu'ils auront des chambres au-dessus d'eux et des chambres construites. Sourate Az-Zumar, verset 20. Et sa parole dans le sens où il dit, et ils seront dans les chambres en toute sécurité. Saba, verset 37. Donc là, on a des deux versets qui disent que les chambres seront multiples, chambres ou pièces. قال الجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف كما تقدم في مستوفى بشواهده في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات البقرة. Donc il dit la réponse tout simplement, c'est que ici الغرفة, la chambre, la pièce, بمعنى الغرف, c'est-à-dire en fait c'est un sens de pluriel. Et ça, c'est une mas'ala qu'on avait pris au début dans la dixième mas'ala du livre Sourate al-Baqara, pour ceux qui veulent revenir, que des fois, un mot singulier peut avoir un sens de pluriel. Kafikolillah Azza wa Jal, mathalan, lorsqu'il a dit, wa yu'minuna bil kitabi kullihi, il croit au livre entièrement. En fait, le tafsir, c'est yu'minuna bil kutubi kulliha. En fait, il croit en tous les livres. Donc le livre, là, ça a le sens de tous les livres. Et l'auteur cite l'exemple que Allah, dans le sens où il dit, puis il visa les cieux, ou plutôt, puis visa le ciel, et les mis en sept cieux. Donc là, le ciel, ça a été interprété comme étant les cieux. Ça a été interprété comme étant les cieux. Pour revenir à la mas'ala 10 du kitab. Et ça, c'est sur Al-Baqarah, verset 29. وَقِيلَ إِنَ الْمُرَادُ بِالْغُرْفَ الْدَرَجَ الْعُلْيَ فِي الْجَنَّةِ وعلي فلا إشكال قيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها. Et d'autres, ils ont dit que le sens voulu par al-ghurfa, c'est le niveau le plus haut, le degré le plus haut du Jannah. Donc si jamais c'était ce sens-là, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le ghurfa, c'est dans le sens du Jannah. Et elle a été nommée de la sorte pour sa grande hauteur. Donc là, pour revenir, le singulier peut avoir un sens de pluriel lorsqu'on veut par là la nature de la chose. Mathalan, on dit, ou plutôt on dirait, wa khalaqa al-insana da'ifa, et que l'homme a été créé faible. Là, le sens voulu par l'homme, c'est tous les hommes, en fait. Donc là, le mot insan, il est venu au singulier, mais il veut par là, en fait, la nature de l'homme, ce qui veut dire tous les hommes. Lorsqu'on dit mathalan, on dira, l'homme est injuste. On va dire par là que les hommes sont injustes. La nature de l'homme est injuste, on vient par là, les hommes sont injustes, donc c'est ça le sens voulu par les chambres ici. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.